J'aimais t'observer en douce quand tu sortais de la douche. Des frissons quand tu me touchais, cœur brisé quand tu me repoussais. Tu me connaissais comme ta poche, tu m'ôtais les mots de la bouche. T'aimais quand je t'appelais ma douce. Chaque fois que mes pensées m'isolent, ta voix dans ma tête résonne. Je regarde la porte, je te vois rentrer à la maison. T'es parti, j'ai pris un coup. Si tu savais ce que ça me coûte, les journées n'ont plus de goût. Cette fois je dormirai seul, avec mes cauchemars, mes doutes. Je veux repasser en boucle le jour où t'as croisé ma route. Et je te déteste car je t'aime toujours. Et je te déteste car je t'aime toujours. Quand je te sentais triste et fragile, je passais ma main dans ta frange. Tu me demandais de jouer frange, ça nous aurait mis en danger. Passe une journée dans mes choses, je ressens tellement de choses. Reviens s'il te plaît ma douce. Chaque fois que mes pensées m'isolent, ta voix dans ma tête résonne. Je regarde la porte, te voir rentrer à la maison. T'es parti, j'ai pris un coup. Si tu savais ce que ça me coûte, les journées n'ont plus de goût. Cette fois je dormirai seul, avec mes cauchemars, mes doutes. Je veux repasser en boucle le jour où t'as croisé ma route. Et je te déteste car je t'aime toujours. J'ai réfléchi, puis j'ai compris, je regrette. Reviens-moi, t'es.